Hello, hello, amis des ondes, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Dio et c'est Boogie qui va commencer. On laisse tourner le générique. Se retrouve tous les trois avec Véro à la technique. Bonne fête, Véro. Ah oui, j'ai pas oublié. Et Pascal en face de moi, habitué des grandes occasions. Une grande occasion, on en a eu une la semaine dernière. Hein. On peut rappeler qu'on a reçu quand même un groupe qui a bien mis le feu au studio. Voilà, les Apex Music Club. Oui, oui, oui. Bien le bonjour à tout le monde. Bonne fête Véro, Véronique. Et puis, on pense à Muriel qui n'est pas là aujourd'hui, donc qui, j'espère, nous écoute. Vous êtes bien sur le 89.5, c'est Boogie. Et on va passer un bon moment. Et on remercie Apex Club. Apex Music Club qui était là il y a deux semaines, on s'est vraiment éclaté. Merci à vous les amis. Ouais, on a pu faire une bonne prise de son, on a eu des likes sur la vidéo et voilà, on vous rappelle qu'on a une page Facebook Boogie Radio Dio, sans problème, vous trouverez ça facilement et on essaye de diffuser de la bonne musique. Voilà. Oui, aujourd'hui on va commencer avec le beau sexe, le sexe dit faible. Dans ma malle au trésor, j'ai retrouvé un album de 2014, une jeune dame qui s'appelle Missy Anderson. Je ne sais pas si ça te parle, David. Alors, ça ne me parle pas du tout. Mais... voilà, c'est sur un tout petit label américain, je le donnerai après. Cette jeune dame est originaire de Détroit. Elle est passée par New York pour arriver à San Diego. Elle est mariée à Ayn Anderson, donc qui est un peu le directeur musical de son groupe. D'accord. Et elle a forgé sa culture musicale avec la discothèque de ses parents qui écoutaient du jazz, de la soul, du blues, du rhythm and blues. Et c'est vraiment là qu'elle a voulu commencer à chanter. Elle a d'abord été choriste. Et quand elle a rencontré son mari, Ayn Anderson, ils ont écrit ensemble. Et là, ce superbe album que j'ai sous les yeux, on va écouter un morceau qui s'appelle Wall Lotta Nothing. Sa musique est très, très variée, très diversifiée, avec une voix superbe. Donc, je vous donnerai toutes les infos après. On écoute un premier morceau, donc Wall Lotta Nothing sur le 89.5 Radio Dio. That's all I got for you. Oh, a whole lot of nothing. That's all I got for you. I bet you're feeling lucky, but honey, that ain't true. I got a sweet loving daddy and he makes me feel fine. You're wasting our time. A whole lot of nothing. A whole lot of nothing. Yeah, a whole lot of nothing. A whole lot of nothing. A whole lot of nothing. That's all I got for you. For you. You're a real handsome devil and you talk a good game. My baby's not a looker, but I love. Thank you. but this girl is not for sale. Missy Anderson. Oui, alors on est sur un shuffle très New Orleans, ce qu'on appelle le second line. Et ce qui est réjouissant sur cet album, c'est que tous les morceaux sont très très variés. Après, on peut partir sur du pur rhythm and blues de la soul avec des intonations gospel. Donc là, elle a la grosse artillerie hein, sur ce groupe. Il y a un orgamonde, vous l'avez entendu. Il y a pas mal de cuivre aussi sur certains morceaux. On entend la section cuivre, ouais. Bah, c'est son mari, donc Ayn Anderson, qui a produit l'album. Il compose avec Missy Anderson, donc il y a une ou deux reprises, bien entendu. Et l'album s'appelle In the Moment, et c'est sorti sur un label qui se trouve à San Diego, qui s'appelle le Men Squeeze Records. Voilà, ça c'était envoyé par Blind Raccoon Records, qui nous envoyait énormément de disques. Ça date de 2014, alors elle n'a pas fait grand-chose depuis, je ne crois pas, de toute façon. Et elle a un superbe site internet, donc allez-y, Missy Anderson, avec un Y, M-I-2-S-Y, .com, et il y a toutes les impôts, toutes les choses la concernant. C'est comme ça que j'ai su que, grâce à ses parents, elle s'est fait vraiment une culture musicale incroyable. Et je vous propose un autre morceau, si tu le permets, David. Ah, mais tout à fait. Véro aussi. Ça s'appelle Night Stalker. Et un tout autre feeling. Alors certains peuvent dire que l'album est décousu. Moi, je préfère dire qu'il est varié et très, très agréable à l'écoute avec une superbe voix. Hein. Ah oui, carrément. Très belle voix. Missy Anderson sur Radio Audio. Puppeteer. At first I was his unknowing victim, but then I turned into his volunteer. I put away all my weakness, I'm digging up truth at last. I'm not afraid of the darkness, 'cause I'm the one who goes bump in the night. I am a night stalker, ooh yeah. Get the facts. I'm just taking care of my business. Don't worry if there's nothing to hide. But if you try to cross me, well, you'll find I have a wicked side. 'Cause I am a night stalker. Try and cover your tracks. I follow the clues. where they go. And if you've got dirty secrets, child, I won't be the last to know, 'cause I am a night sucker. Ouais, Bessie Andersen, bah dis donc, ouais, quelle chanteuse, ça me fait penser à ces grandes chanteuses des années 50, ouais. Dont j'ai oublié le nom, mais je le regrette. On est dans un feeling beaucoup plus jazz là, tu voilà, vois, par rapport à... Voilà, complètement jazzy. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux morceaux, pour vous faire voir un peu la diversité de cet artiste. Alors je ne sais pas ce qu'elle a sorti ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup moins aux nouveautés blues, mais cet album est très très agréable, ouais, très agréable, et puis vous retrouverez les coordonnées de l'album sur la page sur le Facebook. Podcast, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé cette voix un petit peu au perché et la section cuivre derrière qui est omniprésente. Ouais, ouais, il y a énormément de musiciens, je ne vais pas tous les citer, quoi, mais de l'orgue à monde au cuivre, ouais, ça envoie. Et on va continuer avec une personne que j'aime beaucoup, que j'ai contactée, qui m'a envoyé l'album parce que j'étais tombé red dingue de ce disque. C'est une New-Yorkaise, Kristen Finn. Elle avait sorti un album qui s'appelle Delicious et... J'avais écouté ça sur le web et gentiment, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer le disque. Elle me l'avait envoyé parce que c'est très, très... On ne le trouve pas beaucoup. Ouais. Et alors, c'est une guitariste émérite. Hein. C'est assez rare que des artistes directement envoient leur disque. Il faut tomber sur des gens très, très sympas. Par simple gentillesse, ouais. Et très, très bonne guitariste. Elle sait composer de très, très bonnes chansons aussi. Et des choses délicieusement sensuelles avec un double sens parfois qui frôle l'érotisme. Mm-hmm. Et là, j'ai choisi un morceau où elle est accompagnée de Hubert Sumlin, le guitariste de Howlin' Wolf. Voilà, qui l'accompagne sur un morceau qui s'appelle Please Drive. Alors là aussi, c'est un peu ambigu comme chanson. Elle a une voix incroyable. Et il y a cet album, donc très très électrique, avec des reprises, des compositions, parce qu'elle sait vraiment écrire de bonnes chansons. Et je vous conseille aussi un album en acoustique. Donc, Kristen Finn, T-H-I-E-N. L'album s'appelle Delicious. Et le label, c'est tout petit aussi, c'est Screen Door Records. Il faut aller à tout prix sur le site internet www.kirstenfinn.com et on part avec Please Drive, avec le shuffle très funky de Monsieur Hubert Sumlin. Don't work the way they should. If I could take you, you know I would. But I've been drinking, so I hand you the keys. My mama taught me to always say, please drive. I know I can't control going on 21. I wasn't looking for love, I was looking for fun. You guaranteed I'd be satisfied, so I agreed. I said, let's go for a ride, but you drive. Please drive. I know I can't control this thing I got hold of. Please drive. I gave you the keys to my heart. Watching you handle it has been the best part. So please drive. C'est presque interdit au moins de 18 ans. Ah, ouais. C'est ça, ouais, une voix très chaude, très sensuelle. Et Monsieur Sommelin derrière qui assure. C'est ouais, puis elle aussi, c'est une très très bonne guitariste. Et cet album aussi, on part sur des choses un peu plus funk, des choses beaucoup plus blues rock. Okay. Et ce morceau, je l'apprécie particulièrement parce qu'il y a la patte de Bert Sommelin. Et puis cette voix-là, c'est incroyable. C'est complètement quoi. Dingue. Ouais. Voilà, Kirsten Finn, T-H-I-E-N. Allez voir sur Internet, je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais je ne la remercierai jamais assez de m'avoir envoyé ces deux albums. Et paradoxalement, l'album qu'elle m'a envoyé en live, elle est toute seule à la guitare acoustique. Donc son côté songwriter ressort beaucoup plus. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on continue, David. Allez, c'est parti. Puis on partira sur tes choix. T'as bien prévu quelques trucs quand même. Quelques trucs, mais c'est pas la folie. Mais on va quand même bien se régaler, je pense. Allez, nous partons au Canada avec une personne qui est très influencée par Janis Joplin, mais qui a son propre feeling, ses propres émotions aussi, c'est Leila Zoé. Ça te parle ? Ça me parle, oui. Voilà. Enregistré dans un club qui se trouve en Belgique, le club 66, je crois qu'il s'appelle comme ça. Béraud, tu as la pochette sous les yeux, c'est ça ? Club 66. À Bruxelles ? le Spirit of 66, voilà. Et elle joue avec des musiciens flamands, donc je ne dirai pas le nom des musiciens qui sont très doués, mais non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Voilà, Leila Zoé, donc là, elle nous reprend Yeah Blues de Vous Savez Qui, suivi par Let It Be a cappella. Alors, écoutez, c'est encore une autre manière de concevoir le blues que Missy Andersen ou Kirsten Finn. Là, nous sommes avec Leila Zoé, un double live qu'il faut absolument avoir quand on aime le blues rock. C'est parti. Yes, I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, Lord, you know the reason why. Yeah, the off the earth, and I am off the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, Lord, you know the reason why. The eagle that picks my eye, the worm that licks my bones, I feel so suicidal. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Whispering words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, there is still a light that shines on me. It shines until tomorrow, let it be. There will be an answer, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Oh, oh, let it be. There will be an answer. Voilà, vous êtes bien sur le 89.5, c'est Boogie. On vient d'écouter Leïla Zoé. Ouais, une artiste encore étonnante. Un ouragan électrique derrière toute la douceur et la beauté de Let It Be a cappella. Ouais, une voix très puissante et ouais, une chanteuse à voix pour le moins. Ouais, ouais, ouais. Et puis le Spirit of 66, c'est à Verviers en Belgique. Hein. Donc okay. Il y a encore des concerts. Là, j'ai vu sur la page Facebook, il y a pas mal de choses. Alors je vais me lancer quand même sur le nom des musiciens. Comme tu le disais, elle est dans le registre de Janis Joplin. Oui, elle a une grosse influence de Janis Joplin, mais pas uniquement. Hein. Pas uniquement, on ressent aussi Beth Hart, des chanteuses comme ça. Exactement. Et puis elle compose ses propres titres. Voilà, là on était avec McCartney & Co, mais elle compose aussi de très très belles chansons. Et elle est accompagnée de Jan Lax à la guitare et au chœur, de Gregor Sonnenberg à la basse et au chœur, et de Hardy Fitchotter à la batterie. Alors, sont-ils hollandais, sont-ils belges? Je ne sais pas. En tout cas, elle s'appelle Leïla Zoé et c'est un live au Spirit of 66 à Verviers en Belgique. Boogie, on est bien entre potes. Oh oui, on est bien, on est bien. Et tout à l'heure, on parlait des disques qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit plus. Bon, ben, on va pas s'en cacher que nous, on est un petit peu à la peine et que... Envoyez-nous des disques. Envoyez-nous des disques, parce que c'est vrai que c'était bien à l'époque, on recevait des disques. On prenait le temps de les écouter. Et puis, bon, c'est vrai que Boogie, ça n'a jamais été une émission de nouveautés spécialement, mais quand on avait des nouveautés... On aimait bien les diffuser, voilà. Et c'est vrai qu'on s'en plaint à juste titre, même si parfois, de façon dématérialisée comme on dit, on reçoit quelques petites perles, voilà. Et c'est le cas ici. Et ça a été le cas la semaine dernière, voilà. On a eu la joie grâce à mademoiselle Cassandre Grugnot, qui travaille chez Daydream Music, un label. Et ce label distribue le dernier Mighty Mike. Je le prononce bien. Malted Milk. Malted Milk. Décidément, tu vois, je suis tombé dans le panneau. C'est avec l'accent. Malted Milk. On se moque pas. Voilà, groupe qui existe déjà depuis pas mal d'années. 1993, la formation, et c'est vraiment en 98 qu'ils ont décollé. Ils étaient d'abord un duo, puis ils sont devenus un quintet. Ouais. Et c'est là qu'ils se sont appelés Malted Milk, pardon. Écoute, je vais t'envoyer en stage avec mes potes en Californie. Et qui se compose au guitare et au chant d'Arnaud Fradin et de Emmanuel Fringel à l'harmonica. Après, va s'ajouter, ils vont devenir un quintet, et c'est quand ils vont justement posséder une section cuivre qu'ils vont prendre vraiment leur envol. On vient de recevoir le 10e album studio, c'est quand même pas mal. Ouais, avec eux, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. C'est le groupe soul français, par définition, ouais. Un des meilleurs. Je les avais vus à Salles-sur-Seine Festival, dont on était partenaire, et nous serons partenaires cette année. Ah oui. Et aussi, ils avaient donné un concert exceptionnel, quoi. Vraiment un très très bon groupe à la française. Ouais, ouais, à la française, mais voilà. Dans le registre des... ouais, on pourrait les comparer à qui en France Bah, ils ont leur propre son, ils ont... Leur propre style. C'est très original. Moi, j'ai toujours aimé ce groupe-là, que ce soit au début ou plus tard avec les autres musiciens. Et c'est vrai que sur scène, j'avais pris une grande claque. Donc, j'espère que cet album est à la hauteur. Ouais, c'est de la soul, ça flirte avec le blues et même avec la musique africaine. J'en veux pour preuve le morceau qu'on va écouter. Donc, le titre de l'album, c'est « Time Out ». Et le morceau qu'on va écouter, c'est aussi Time Out. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, donc je remercie Cassandre Brugno, comme je l'ai dit. Et oui, je les remercie aussi parce qu'il y a quelques années, on avait reçu l'avant-dernier album, 1975, qui était vraiment un album qui m'avait complètement scotché. Et voilà. Et dire aussi qu'ils seront en tournée en 2026. Ils vont passer pas très loin d'ici, très prochainement, en mi-mars. Il faudra quand même se déplacer vers Clermont, à Lande exactement, pour les voir. Ils attaquent une petite tournée, mais je pense que ça vaut le coup quand on les a jamais vus. Ouais. On écoute tout de suite Time Out. Yeah, Malte Mike sur le 89.5, vous êtes bien dans Boogie. Ouais, j'adore ce groupe parce qu'ils ne restent jamais sur leurs acquis, c'est pas uniquement du 12 mesures et 3 accords. C'est ça. Là, on part en Afrique de l'Ouest et ça dépote vraiment quoi. Voilà, toutes les couleurs du blues, de la soul, du rhythm and blues. Vraiment, ce groupe est extraordinaire. Il y a des invités sur ce titre en feat, comme on dit, c'est B.I.M., Benin International Music Hall. Voilà. Et ça serait bien de choper quelques renseignements. Quelques renseignements complémentaires, ouais, sans problème. Et puis d'ici dans 15 jours, on pourrait repasser un morceau de cet excellent album, ouais. aussi bon que le précédent. Ben, et c'est pas peu dire. J'en ai pas mal à la maison de Malted Milk et je trouve qu'ils n'ont jamais foiré un album. Voilà, ça ah ouais, c'est vraiment la grande classe internationale, comme tu disais, et qui est française. Hein, je ne veux pas faire des cocoricos un petit peu. Il ne cesse d'évoluer sur d'autres feelings, d'autres continents, comme là, voilà, ouais. L'Afrique de l'Ouest avec le Bénin. Et pour en revenir avec le fait qu'il soit un groupe français, c'est vrai que c'est le genre de groupe qu'on aimerait voir encore un peu plus haut, quoi, un peu plus reconnu, si je puis dire. En tout cas, moi, je reste sur cette sensation de Salaise sur scène. J'avais vu un concert extraordinaire. On va revenir maintenant sur un soutien du blues, un grand monsieur, c'est Elvin Bishop. Ça te parle? Ah oui, ça me parle. Alors, il a travaillé avec énormément de personnes. Il a commencé à gratouiller avec le Paul Butterfield. Il a été pas mal en galère aussi à Chicago, où il a croisé Muddy Waters, où il a croisé Little Walter, Willie Dixon. Il a croisé des grands du blues. Exact. Et puis, il a fait quelques albums avec son vieux pote, Little Smokey Smothers. Et là, il est avec Willie Jordan et Bob Welch, plus quelques invités. Donc, Bob Welch est à la guitare et au piano. Elvin Bishop, bien entendu, c'est une boule d'énergie positive, ce type. Hein. Il est à la guitare et aux voix, et Willie Jordan au caron et à la voix. Alors j'ai parlé de manière pas très distincte l'autre jour du caron. Je vais essayer quand même de vous expliquer un peu mieux ce qu'est cet instrument. On trouve l'origine de cet instrument en Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Le caron, c'est quoi? C'est une caisse en bois, les musiciens s'assient dessus et c'est un instrument dans des percussions. Une caisse de résonance qui est à la fois un tabouret et sur laquelle on frappe avec les mains. Et au XVIIIe siècle, au Pérou, donc, où on trouve l'origine de cet instrument, c'était les esclaves qui avaient des grosses caisses en bois pour ramasser les fruits. Et pendant les pauses, il s'asseyait sur ses caisses en bois et il tapait dessus, d'où l'origine de cet instrument qui est à la base, voilà, encore un truc d'esclave, quoi, ouais, hein, qui vient du fond des temps. Et extrêmement pratique quand on n'a pas d'argent et qu'on veut quand même qu'il y ait une batterie dans un groupe. Exactement. Et le morceau qu'on va écouter, c'est 100 Years of the Blues, 100 ans de blues, où ils racontent en 3-4 minutes leur vie, l'histoire du blues de manière assez succincte, bien entendu. Mais ce qui ressort de cet album, c'est l'entente qu'il y a entre ces trois musiciens. Ils s'éclatent comme des gamins et on peut retrouver par exemple sur quelques morceaux Kim Wilson à l'harmonica. Alors Kim Wilson, c'est les Fabulous Thunderbirds, ça vient du Texas. Ricky Estrin à l'harmonica aussi sur un morceau. Et Charlie Musselwhite qui est très connu maintenant avec Ben Harper. Avec Ben Harper, oui, bien sûr. Donc l'album s'appelle Big Fun Trio et c'est vraiment un album extraordinaire qui était sorti chez Alligator Records. On écoute 100 Years of the Blues. Oklahoma. That's Charlie. He's from Tennessee. We're here this evening with you all and damn glad to be. We've been playing this music a long time. And I'll tell you folks the truth. Between the two of us, looking at 100 years of blues. We got our education in Chicago, back in the 1960s, running around those clubs chasing women and playing blues, drinking whole lots of whiskey. Whoa, man. I still don't know how we made it through. But Lord have mercy, here we are. It's been 100 years of blues. Fine time, you know, we were just, well, breaking all the rules. We're glad you came to see us, and it's really good to see you all. You know, we're mighty glad to be here, and actually we're lucky to be anywhere at all. Well, if you like what you hear and you think we've paid our dues, I just want you to remember, we bring you 100 years of the blues. Charlie, they tell me that you can't teach an old dog new tricks. And it is true. We've been around since the Dead Sea was sick. So I guess we better keep on just doing what we do. We're about due to start getting good pretty soon, too. It's been 100 years of blue. Ouais, ça le fait, Véro, ça le fait. Ouais, j'adore ce mec. Elvin Bishop, il a une carrière immense et puis c'est un musicien qui respire les bonnes vibes. Quoi, là, on sent le combo des mecs qui prennent du plaisir à jouer ensemble. Ouais, en même temps, c'est pas l'album où il doit y avoir des milliers de prises. Hein. Ils sont dans un studio. Certainement, ouais. Ils branchent les guitares et vas-y. Et en une prise, quoi. Voilà, écoutez ces albums aussi avec Little Smokey Smothers. Il y a une compilation de la première partie de la carrière de Elvin Bishop qui s'appelle Tulsa Shuffle. Bishop, du coup, à réécouter, quoi. Ouais, parce qu'il a fait des choses très rhythm and blues aussi, et puis une carrière immense, mais il a connu la dèche, comme je l'ai dit, quoi. Il a galéré, mais sa bonne humeur ne s'en est jamais allée. Ouais. C'est ça le blues, hein. Ouais, et on voit qu'il a confronté sa guitare avec les grands qu'il a pu côtoyer, quoi. Et voilà, si tu me permets, David Véro, si vous me permettez, je voudrais revenir sur la Bourse aux 10 de Saint-Etienne. La fameuse Bourse aux 10 qui avait lieu dimanche dernier. Voilà, c'était dimanche 1er février. La 33e édition. On se souvient qu'au début, c'était créé par Chris Evans, qui avait un magasin de disques à Saint-Etienne qui s'appelait Mélodie, je crois. Et donc, voilà, j'ai pu rentrer avant l'heure d'ouverture. Énormément de choses, bien entendu. en vinyle, etc., etc. Énormément de monde, ça a été un succès incroyable. Voilà, dès 10h du matin. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que c'est pas un peu la jungle? À 10h du matin, il y avait énormément de monde. Bon, j'avais fait mes achats tranquille. Alors, il y a des vendeurs, bon, qui sont aimables comme des portes de prison, quoi, hein. C'est des un ou deux vieux là qui sont là depuis le temps de Thomas Edison, tu vois. Ah. Et qui ont des vinyles à vendre. Voilà, à peine bonjour, à peine merci, à peine au revoir. Voilà, ils sont vendent, là pour faire du fric. Ils vendent du vinyle. Le mec, c'est vrai que moi j'arrive avec mes références. Bonjour, je voudrais un groupe de hard rock des années 80, Mama's Boy. Tiens. Donc le gars qui est esthète comme ils le sont. Ouais, comme ils pensent l'être en tout voilà, cas. Voilà, le mec qui te regarde, dégage de là, toi. T'sais. Ouais, des mecs qui le prennent de haut. Qui se prennent pour des esthètes du vinyle. En tout cas, c'était une belle réussite, puis j'espère que ça va continuer. Je pense qu'on peut les fracasser. Non, à côté de ça, je pense que ça vaut quand même le coup de mettre les pieds dans cette... Ouais, il y avait énormément de choses, et puis c'était intéressant, quoi. J'ai rencontré un gars super sympa qui, lui, transpire la passion de la musique. Il n'est pas là pour t'arnaquer, pour guider des vinyles à hors de prix. Il s'appelle Eric, et il a une boîte qui s'appelle Over and Over Records. Donc, il ne vend que par correspondance. Il se trouve que ce gars-là connaît bien Radio Audio, connaît bien le métalleux Martin, et qu'on salue. Voilà, qu'il a joué dans pas mal de groupes et on s'est souvenu ensemble de Musicland. Donc c'est un coup de cœur, c'est un mec super sympa qui te conseille vraiment. Voilà, j'ai acheté un AC/DC, encore un, tu vas me dire, mais il a su me conseiller sur le concert, sur la qualité du son, etc. Ouais. Et je vous invite à aller sur son site, donc Over and Over Records, c'est www.over-and-over-records-shop.com. J'ai essayé d'aller sur Over and Over Records, tu tombes sur la page et il y a tout un catalogue de disques, ça va du métal au blues en passant par le jazz et c'est un mec passionné. On ira voir, donc du coup il y avait des gars comme lui passionnés mais il y avait aussi des acheteurs passionnés j'imagine. Ouais, y avait c'est quand même un rendez-vous de passionnés. Et, ouais, il y a des geeks hein. Ouais. Attention, les mecs, ça rigole pas, quoi. Hein. Je voudrais une version de Miles Davis de 1972, le jour où il avait la grippe et que son pianiste avait le pied cassé, alors que le piano n'avait que. Ouh là là, oui, c'est extrêmement précis, ouais. C'est des geeks, les mecs. Mais en tout cas, il y avait aussi notre ami de Milly Melody. Oui, bien sûr, ouais, Jérôme. Ouais, et c'est bien, il faut y aller. Et puis, il y en a pour tous les prix. Vraiment, il y en a pour tous les prix. Et puis, chapeau bas à Eric, donc, qui viendra peut-être nous parler un peu de son boulot à l'émission. Ok, on est prêt à le recevoir bientôt. Over and Over Records, donc CD et vinyle. Allez sur le site, achetez des disques. Voilà. C'est pas cher et c'est un mec sérieux et sympa. Et Martin, un passionné. Martin d'Overdrive qu'on salue hein, dans l'émission tous les vendredis après celle de Gérard. Bien sûr. Gérard qu'on salue également. Moi, je voulais te proposer encore une nouveauté. Une fois n'est pas coutume. C'est un disque qu'on a reçu l'année dernière, je crois, qui était resté en stand-by dans mes tas de CD encore non écoutés. Et c'était quand même une relative bonne surprise. Il s'agit du groupe Fury Road. Fury Road, c'est un épisode de Mad Max, peut-être pas le meilleur pour les fans. Et voilà, ils ont décidé de s'appeler comme ça. C'est un jeune groupe. Alors, eux ne sont pas spécialement jeunes, mais c'est surtout des gars qui ne sont pas musiciens professionnels et qui ont des boulots à côté. Voilà. Mais qui sont entourés de gens de qualité au niveau de la prise de son, par exemple, et dans un studio d'enregistrement qui est assez reconnu. J'ai oublié de noter lequel, mais voilà, ils ont fait en sorte de faire un bon... Ils sont estampillés... Un bon premier album. Ils sont estampillés groupe garage pop-rock. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. On va écouter le morceau qui a été pas mal vu sur les plateformes. Le titre qui s'appelle Jimmy. C'est parti. Jimmy's crushed tonight. His mother crying when he died. Darkness, blood and flames. The sky is looking like a grave. Ooh, oh, Jimmy, what can I do? What can I do? What can I do? it's crushed tonight. His mother crying when he died. Darkness, blood and flames. The sky was looking like a grave. Fire still burning. Ambulance all missing. God has left the place, held the spun his face. Whoa, Jimmy, what can I do? What can I do? Whoa, Jimmy, Jimmy, what can I do? What can I do? What can I do? Voilà, Fury Road. Bah, c'est pas mal du tout, dis ouais, donc. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas le morceau le plus représentatif. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus rock'n'roll sur le reste des morceaux. Ah, très belle chanson. Mais cette chanson, elle valait le coup, ouais. Voilà. Donc, ils sont de quelle région Ils sont du Gard. Ils sont à Alès. D'accord. Voilà, je pense qu'ils referont parler d'eux dans quelques temps. Voilà. Très bien. On a notre ami Gas Ossikian qui est de ce côté-là. Oui, aussi. On le salue, il est à Arles. À il Arles, joue, ouais, tout joue, à fait. Il joue régulièrement, donc voilà. On bah, salue Gaspard, oui, bien ouais. sûr. Et on a nos amis, on en parle, parce qu'ils parlent de nous, c'est Devil Joe, ils ont des dates, hein, ouais, David. Devil Joe qui va débuter sa tournée tout bientôt. Ils seront, donc on le redit, à l'Orbital Place Chavanel le 20 février. C'est pas Place Chavanel, l'Orbital. C'est pas Place Chavanel. C'est vers le stade. C'est vers le stade. Ah, j'ai une fausse info alors. Ça fait plusieurs fois que je vois Orbital, Brasserie, Place Chavanel. Donc j'ai une info qui est pourrie. Écoutez, allez sur Internet de toute façon. Ouais. Ouais. Et l'Orbital, tu as raison, c'est la brasserie qui est à côté du stade Geoffroy Guichard. Voilà. C'est ça. Et ils seront en première partie au Climax de Riotor. Mi-mars, je dirais, mais là aussi, pareil, je n'ai pas la date exacte. Alors, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 4 mars. Toujours est-il qu'il sera en première partie de Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon. Et le Climax qui ne cesse de passer de très bons concerts ouais. depuis pas mal d'années. C'est ça, réservez bien vos places à l'avance, parce que le Climax, c'est vraiment très, très. Bah, c'est cosy, c'est vite plein. C'est vite donc, plein, voilà. C'est un petit endroit et c'est vite plein. Ouais. Si vous voulez y aller, vous internet quoi, hein, ouais. ou le téléphone. Donc, voilà, on ne peut pas y aller au dernier moment comme ça, prendre sa bagnole. Et... On a mis les infos sur la page Facebook de toute façon. Donc, à retrouver sur la page Facebook, la nôtre. Exactement. Puis je voudrais, nous voudrions saluer Angèle, donc une amie, et ouais. puis Jessica, à qui on pense très fort, donc on lui fait de gros bisous, et Angèle, toi aussi, voilà, 89.5 Radio Audio, il est 21h57, ça va très vite. Hein. Ouais, on enchaîne ? On enchaîne avec un mix de 6 morceaux d'un génie du Texas Blues, du blues tout court, c'est monsieur T-Bone Walker. On peut dire ça comme ça, oui. Né sous le nom de Aaron T-Bone Walker. Et ce personnage, c'est une légende, c'est un des plus grands guitaristes à mes yeux. Donc le Texas Blues, il a vraiment créé ce son au note à note. Ça a été un des initiateurs de la guitare électrique. Alors il a commencé dans les pas de Blind Lemon Jefferson, donc qui est un peu la figure tutélaire du blues texan. Ouais, ouais. Il a continué à jouer dans les Medicine Show. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est, David, Medicine Show. Medicine Show. On voit ça dans les westerns, tu sais, c'est les vendeurs qui vendent. Les fameux arracheurs de dents. Voilà, des produits pour être en érection plus souvent. Ouais, voilà. Pour faire pousser les cheveux. Des produits miracles, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Et à cette époque, il fallait toujours un musicien pour attirer le chaland, quoi. Et T-Bone Walker a travaillé avec ces gens-là. Et puis, il a suivi une musicienne qui s'appelle, par exemple, Ida Cox, dans les rebeux blues qui tournaient dans le sud des États-Unis. Et. C'est un des initiateurs, je le dis, de la guitare électrique. Il avait comme modèle un génie, c'était Lonnie Johnson ou Charlie Christian. Charlie Christian qui a donné ses lettres de noblesse à la guitare électrique solo dans le jazz. Ouais. Et moi, je vous propose d'écouter 6 morceaux de lui, ou alors des reprises, qui ont été enregistrés pour Imperial entre 1950 et 1955. Donc, T-Bone Walker a fait des émules. Hein. Il y a eu Pee Wee Cretton derrière, et il y a eu Clarence Getmove Brown. Et je vous parlerai un peu de son style de guitare après ces 6 morceaux. Là, c'est du plaisir à l'état pur. Vero va nous mixer ça magnifiquement bien. Et voilà, on y va avec la douceur, la délicatesse, le feeling, le doigté de Monsieur T-Bone Walker. Hey, pretty baby, come on, let's go. Tell your other boyfriend that you don't want him anymore. Yes, pretty baby, sure look fine to me. And you're just as fine as any gal can be. I never knew life could be so sad. hand. I don't know what to do. Lord have mercy. I know you'll understand. I've tried everything in the books, but now I'm at your command. Look me in the eye and tell me you love me. Tell me you want me here by your side. Look me in the eye and tell me you need me. Never deceive me, I will abide. Please don't tell me no lie. I have always tried so hard to never fall in love, it's true. But when you put down your fine jive, what can I do? I'm falling for you. Look me in the eye and tell me you mean it. Make me believe it. Say you'll be mine. So hard to never fall in love, it's true. But when you put down your fine jive, what can I do? I'm falling for you. Look me in the eye, tell me you mean it. Make me believe it. I have to try. Oh my, I hate myself for getting this way. But I knew I'd change someday. So baby, don't you tell me no lie. In the evening, mama, when the sun go down, in the evening, baby, mama, when the sun go down, ain't it lonesome, darling, when your lover's not around, when the sun go down. Last night I laid a sleeping. I was thinking to myself, last night I laid a sleeping. I was thinking to myself, wondering why I love my baby and she mistreats me for someone else. When the sun go down, sunrise in the east, and it sets up in the west. Yes, sunrise in the east, baby, and it sets up in the west. to tell which one I love the best. I've got a cold, cold feeling. It's just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody every time that feeling starts. You treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me, yes, it's tacking up inside. It's a cold, cold feeling. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody every time that feeling starts. There's a change in me, baby. Once I was blind, but I can see. There's a change in me, baby. Once I was blind, but now I can see. Put down everybody, baby, that ever made a fool of me. Party girl, party girl, why don't you stay at home? Party girl, party girl, why don't you stay at home? You lost all your glamour and your health is almost gone. Party girl, party girl, you used to be so fine. Party girl, party girl, you used to be so fine. Bright lights and whiskey have caused you to lose your mind. Thank you. till it makes your tonsils sore. You got bags under your eyes, big as a barnyard door. Wake up, party girl, don't you know the cops around? You dead on your feet, and you all your last go round. Ah là là, quelle classe, mais quelle classe, quoi. Alors là, on est quel sur... mix de monsieur Thibon Walker. Ouais, des albums entre 1950-55 avec bien entendu les sections de cuivre qui sont très très jazzy. Ouais. Et ce jeu au note à note typique du Texas blues. Alors, son morceau le plus connu, David. Ouais, c'est Stormy Monday, pardon. Qui a été repris par des centaines de guitaristes. On en parlait en off et c'est vrai que ouais, c'était repris un nombre de fois incalculable. Et c'est vrai que les gens du Mississippi immigraient vers Chicago et le blues de Chicago, de Muddy Waters, Lynn Wolf, était beaucoup plus âpre, plus dur, plus raide. Plus sombre, voilà. moins dansant, si on peut dire. Et le Texas, ils émigraient plutôt sur la côte ouest à Los Angeles. Alors, c'est peut-être le soleil, le climat de Los Angeles qui faisait qu'ils jouaient ce blues totalement magnifique. Alors, on pourrait parler de T-Bone Walker pendant des heures, faire des émissions entières. Simplement, il a eu une fin de vie difficile. Il a picolé toute sa vie. Donc, il n'arrivait plus à payer ses soins parce qu'il était malade dû à l'alcool. Et c'est des mecs comme Dizzy Gillespie, par exemple, et pas mal de jazzmen qui ont enregistré un album avec lui. À savoir aussi qu'il a enregistré un album en France avec Manu Dibango. Okay. Et c'était un grand pianiste. Il jouait vraiment très bien du piano. Et une des premières fois qu'il est venu en France, c'était en 1962 avec l'American Folk Blues Festival. Il était à la même affiche que John Lee Hooker, Willie Dixon, Memphis Slim. Les fameuses tournées qu'il est propulsé en Europe. L'anecdote, c'est que dans le public, c'était des férus de jazz. Et lui, il est arrivé avec sa guitare et il a fait comme dans les clubs de Los Angeles. Il jouait de la guitare derrière la tête, il faisait le grand écart. Il a été le premier à faire le show un peu. Et il avait été sifflé honteusement par tout ce public d'érudits, des mecs hyper pointus. Et lui, il se demandait ce qui se passait parce qu'il jouait comme dans les clubs de Los Angeles. Ouais. Voilà, il faisait le show et ça avait été très mal perçu par ce public hautain et prétentieux qui était le public de jazz à l'époque. Ouais, mais, tout à fait. Mais T-Bone Walker, un grand, grand musicien, figure, ouais, je l'ai dit, pour Blind Lemon Jefferson, mais là aussi, c'est une figure tutélaire du Texas Blues. Dont on peut reconnaître tout de suite le timbre, la sonorité. C'est magique. Et cette façon de jouer si particulière. Voilà, et je voulais lui rendre hommage. Ouais, bah c'est fait, tu vois. Merci pour les mix, Véro. Ah ouais, t'as assuré. Oui, carrément. On sent la technicienne. Plus. Et il est 22h16, ça va très très vite. Oh là, trop vite. Alors vous savez ce qui se passe dans les rues de Minneapolis, ou du moins ce qui s'est passé, parce que la police de l'ICE a foutu le camp, la milice, si je dirais. Ouais, c'est plutôt une milice, oui. Voilà, les SA. On est obligé d'en parler. Et Bruce Springsteen donc a balancé un titre sur le net concernant qui a fait le buzz hein, du coup on peut le dire hein. Plus que le buzz. C'est une proteste song dans la grande lignée des chansons de Bob Dylan qui s'appelle tout simplement Street of Minneapolis. Alors je l'ai traduit un peu à l'arrache pour que vous compreniez un peu ce qu'il dit dans cette chanson. Donc, je cite, « L'armée privée du roi Trump, des armes attachées sous leur manteau, sont venues à Minneapolis pour faire les respecter la loi. » Du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Face à la fumée, aux balles, dans la lumière naissante de l'aube, les citoyens se sont levés pour la justice, leur voix résonnant dans la nuit. Il y avait des empreintes de pas sanglants, là où la miséricorde aurait dû se tenir. Et deux morts laissés dans les rues, enneigés, Alex Pretty et René Good. Maintenant, ils disent qu'ils sont là pour faire respecter la loi. Mais ils piétinent nos droits. Si votre peau est noire ou brune, mon ami, vous pouvez être interrogé ou simplement expulsé à vue. Le cœur et l'âme de notre ville, à travers le verre brisé et les larmes sanglantes dans les rues de Minneapolis. Voilà tout du moins une partie que j'ai traduite. La chanson est beaucoup plus longue. Et je ne sais pas ce que tu en penses, David, je vous propose de l'écouter. Ah voilà, on va l'écouter parce que ça vaut toutes les images qu'on a pu voir récemment. Springsteen en colère avec la rage. En colère, et vraiment une grosse colère. Et Trump, là, le gros rouquin. Là, le président orange qui va définitivement... Il se maquille. On sait pas où ça va s'arrêter. Il se maquille avec la terre de Roland-Garros, lui, non ? Ce qui est un peu dangereux avec ce type-là, c'est on se demande où et quand il va s'arrêter. Streets of Minneapolis. Streets

réunis contre Donald Trump, ça pourrait bien arriver, où tout le monde s'y mettra. Je te disais tout à l'heure que moi, je suis tombé samedi soir sur le concert un peu improvisé avec Tom Morello et d'autres artistes en direct de Minneapolis dans une salle de concert. Et c'était assez impressionnant ouais, de voir tous ces gens et tous ces artistes révoltés. Oui, et puis tu vois, je reviens sur... Je ne veux pas faire politique, ce n'est pas le but, mais je reviens sur l'éradication du peuple iranien par les Mollahs. Plus de 35 000 personnes mortes en deux jours. Ils ont tiré à l'arme lourde sur leur peuple. Ouais, voilà, et le rouquin, ben... là, toujours lui, ce fameux Donald Trump, il y a deux semaines, il a dit « Tenez bon, l'aide arrive voilà. ». Deux semaines après, eh ben, il y a 35 000 gamins qui se sont fait massacrer dans les rues. Et je me demande là où sont les bien-pensants français. C'est ça. Parce que personne n'est dans la rue pour soutenir le peuple iranien qui se fait littéralement assassiner. Et là, une fois de plus, on en conclut aussi que le président Orange, ben, il est là que pour le pétrole et puis que pour les ressources. Exactement, c'est pour ça que je voulais en arriver là. Mais bon, on va pas plomber l'émission, les amis, il est 22h24. On va continuer avec un groupe composé de Peter Wolf à la voix, de Seth Justman au piano et à l'orgue, de Magic Dick à l'harmonica, de Jay Gulls à la guitare, de Daniel Klein à la basse et de Stephen Joe Blad à la batterie et au chœur. Ça, on le dédicace à monsieur Gérard qui ouais. adore ce groupe. Ouais, c'est ça. C'est le Jay Gulls Band, donc groupe de furieux. L'album s'appelle Full House. Il a été enregistré ouais. au Cobo Hall de Détroit. À tort présenté comme des demi-Rolling Stones. Ce qui n'est pas très sympa pour eux. Mais voilà, super groupe de blues. Alors, on peut voir des chansons signées Juke Joint Jimmy. Non, ce n'est pas un bluesman. C'est le surnom de Jay Gulls, tout simplement. On y va avec le morceau qui s'appelle, je crois, Serve Your Right to Suffer. Serve Your Right to Suffer, oui. C'est celle que j'ai calée, ouais. Qui est un grand hymne de blues. Et qui a été écrit par Johnny Hooker. Donc c'est 9 minutes de bonheur au Cobo Hall de Détroit. Voilà. Ça chauffait à l'époque. Let's go. Serve you right to suffer, baby. Serve you right. You gonna live alone. Serve you right to suffer, baby. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Got me on a good day, but I know your good day is gone, baby. Popping pills by morning, drinking booze at night. 3 days later, baby, you're such an ugly sight. You got me feeling so bad, baby, you drove me out of my mind. You have me feeling so bad, baby, I was walking on borrowed time. Now wait a minute, this is the best part of the whole song. I went to see the doctor, baby, to see the doctor, baby, find out what they're gonna do. Doctor got my own. Now watch it here. Doctor got my own, baby. Got my own milk. Got my own cream. You know I'm drinking alcohol. Doctor got my own, baby. Got my own milk. You know I'm drinking alcohol, baby. That's the wine. I don't wanna ever sleep alone. You got my mind, babe. I know you got my mind, babe. kind of do a little Muddy Waters style on it. Oh, yeah! Gotta take it to the South Side Chicago, baby. On a licking stick, Mr. Magic Dick. Little Chicago style, come on, man. We'll be right back. un album essentiel qu'il faut posséder dans sa discothèque, voilà, n'est-ce pas, David? J'allais dire, c'est l'album mythique du Jagged Band. Oui, et ils sont toujours restés un peu en retrait par rapport à d'autres groupes, un peu moins de succès. Et ils avaient connu justement le succès à l'aube des années 80, mais avec des disques beaucoup plus commerciaux, beaucoup plus pop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je préfère cette période-là avec cette chanson-là. Moi aussi, Tell Me Right You Suffer. Triste. Les doigts dans la prise. C'est triste de constater que dès qu'ils se sont mis à faire un peu de pop, eh ben, ça a mieux marché pour eux, quoi. Et ce live au Cobo Hall de Détroit, il faut l'avoir dans sa discothèque. Vous savez que chaque quinzaine, j'ai l'habitude de vous présenter un bouquin de manière assez succincte. Là, j'ai sous les yeux l'encyclopédie du rhythm and blues et de la soul. Alors, je vais quand même revenir sur le mot rhythm and blues. C'est un mot qui a été inventé, entre guillemets, par un gars qui s'appelait Jerry Wexler. Okay. Il travaillait au magazine Billboard aux États-Unis. C'est un magazine qui classait les... Un journaliste, du coup. Voilà, un journaliste à la base, mais je vais en parler un petit peu. Et... on appelait ça les race records, tu vois, les disques des noirs américains. Ouais. Et lui, il a changé la donne, il a préféré appeler ça rhythm and blues dans les classements et dans les charts. Et Billboard, c'était un magazine qui était spécialisé justement dans les ventes, dans le classement. Dans les classements. Et après, Jerry Wexler est devenu producteur chez Atlantic Records. Il a travaillé avec Ahmet Ertegun, le fondateur, et il a collaboré par exemple aux premiers enregistrements de Ray Charles. D'accord. Un grand monsieur. Donc, cette encyclopédie du rhythm and blues et de la soul, écrite par Sébastien Danchin. Alors, il est très connu, Sébastien, il est un homme de radio. Il a écrit une biographie sur B.B. King. Et là, c'est sous le même modèle que la grande encyclopédie du blues de Gérard Herzav. Ouais, d'ailleurs, il le remercie en préface. Vous avez tous les artistes, les labels, les villes... Les instruments aussi qui ont compté dans le rhythm and blues. Alors ça va de la funk à la soul, en passant par le gospel, les chanteurs de blues soul. C'est par ordre alphabétique. Un côté encyclopédique un peu. Exactement, hein, c'est l'encyclopédie du rhythm and blues. Et c'est sorti chez Fayard il y a quelques années. On peut le trouver d'occasion parce qu'il est vraiment introuvable. C'est une mine de renseignements. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'aller chercher le nom d'un musicien sur un bouquin que sur Wikipédia. Ouais, en plus, ouais. Là, il a été aidé plus ou moins par Gérard Herzav et Jacques Perrin. Qui est aussi quelqu'un qui s'y connaît. Bien entendu. Et chaque entrée d'un musicien, vous avez à la fin un album de référence avec le label qu'on peut essayer de choper. D'accord. Mais c'est très, très, très varié. Donc, on peut aller de James Brown à Sam Cooke, en passant par les villes comme Philadelphie, ouais, ou New Orleans, qui ont marqué l'histoire du rhythm and blues et de la soul. On peut dire que personne n'a été oublié dans ce bouquin. Non. C'est vraiment une mine de renseignements. Et puis, tu sais, c'est le genre de bouquin qu'on peut lire à n'importe quelle page. Ouais, voilà, que tu peux ouvrir à n'importe quelle page et tu vas trouver quelque exactement chose d'intéressant. Tu dis, ah tiens, qu'est-ce qu'a fait ce mec? Donc, t'as encyclopédie. Voilà. Ouais. Je vous le conseille, donc, Sébastien Danchin, encyclopédie du rhythm and blues et de la soul, c'est sorti chez Fayard il y a quelques années maintenant. Facilement, tu crois? Encore? On le trouve d'occasion. Okay. D'occasion. Il n'a jamais été réédité, à l'inverse de l'encyclopédie du blues de Gérard Herzhaft, qui a été de nombreuses fois réédité. Celui-ci, ben, on attend, quoi. Hein. Okay. Voilà. Okay. Mais ne soyez pas surpris, on retrouve des groupes même de disco, tu vois, comme Chic, ou Arthur and Fire, mais qui font partie de la grande histoire de la musique noire. Et du rhythm and blues. Exactement. De façon élargie, mais ouais, voilà. Je vous le conseille. Et nous continuons l'émission, il est 22h39. Alors, je parlais de Stormy Monday tout à l'heure. Tout à fait. Qui a été repris par un le nombre... tube de chez Tube. Ouais. Et là, donc, je l'ai en mode écarissage. Boucherie industrielle. Avec des guitares qui débordent de partout. Oh là là, qui dégouline. C'est mais... l'album live de Slash qui est sorti avant les fêtes de Noël, enregistré au Serpent Festival. Alors là, mon pote, ceux qui n'aiment pas la guitare électrique, les guitares. Allez vite voir. Les guitares dégoulinantes. Parce que franchement, c'est même trop. Tu vois, c'est même trop. Moi, j'appelle ça un écarissage. Stormy Monday, là, bah, c'est Slash et ses potes. Voilà. On envoie ça tout de suite. 89.5. Radio Dio. Let's go. Here you go, a little blues for your shoes. Thank you. just as bad. Wednesday is worse. You know when Thursday is worse. Eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Right here in Denver I'm playing, baby. The eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Sunday I go to church. Oh, and I get down on my knees. Lord, and I pray. Bon, pour certains, ça va être une insulte à T-Bone Walker. Ouais, ça, comme tu disais, on met un petit peu de partout, quoi. Ça, c'est un petit peu trop dégoulinant. Et c'est pas, c'est ce qu'on disait en off, c'est ne pas trop respecter l'auteur de la reprise, quoi. Mais voilà, imaginons qu'il est en public, hein, c'est un festival qui se joue dans le Colorado, je crois. Donc le public en demande et il en donne. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et il est accompagné au clavier, à l'harmonica, par Teddy Zigzag Andreadis. Donc c'est bien du zig et du zag, hein, ce qu'on a entendu. À la guitare rythmique, Tash Neal. À la basse et au chœur, Johnny Griparic. Et à la batterie, Michael Jerome. Donc c'est vraiment, moi je veux dire, du blues heavy. Alors il n'y a que des reprises sur cet album. Hein. Voilà, Born Under a Bad Sign, Oh Well de Fleetwood Mac, The Pusher de Steppenwolf. Okay. Il y a un morceau d'Hendrix, de Crossroad de M. Eric Clapton, mais tout dans cette veine-là. Voilà, alors, c'est dommage de dénaturer parfois des reprises qui ne nécessitent pas, on va dire. On vous laisse seul juge, les amis. Voilà, pour moi, c'est un peu trop. Quoi. Ouais, mais j'ai vu ta tête, là, ouais. Alors que Véro a bien aimé, tu vois. On n'apprécie pas parce que, ouais, voilà. Et puis Slash, c'est quand même quelqu'un qui a une grande dextérité, mais c'est aussi quelqu'un qui sait faire des albums beaucoup plus propres. Donc, live au Serpent Festival, c'est vous qui voyez, c'est un double CD avec le DVD du concert. J'avoue avoir été un peu déçu par rapport à son album que j'ai passé en début de saison, qui était composé uniquement de reprises, mais joué d'une manière très, très... très, très différente. Voilà, un bel hommage au blues. Ah oui, carrément. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus des années. Non. L'émission se termine, il est 22h51. L'émission touche à sa fin, on va faire 2-3 annonces, c'est-à-dire que la prochaine émission aura lieu le 18 mars. 18 février, pardon, décidément. Et elle sera autour du blues de B.B. King. C'est ça, autour de B.B. King, puisque Joe Bonamassa sort un album à l'occasion des 100 ans de B.B. King, il aurait 800 ans, et un album de duo, comme avait fait B.B. King plusieurs fois sur ses disques, notamment l'album de 1994 qui s'appelait Blue Summit. Donc on sera autour de B.B. King. Autour de B.B. King, et on s'attardera sur quelques... la story ou ce genre de truc. Tout à fait, on n'est pas comme ça, et on et s'attardera au mois de mars, sur les titres. On reçoit un pote, quoi. On reçoit un pote en la personne de Didou, voilà. Qui est animateur FM43, mais qui est aussi chanteur et aussi coiffeur. Voilà. Et il viendra nous parler de tout ça, de son voyage aux États-Unis entre autres, et puis de ce qui passe un petit peu tous les matins sur d'autres fréquences, et qui nous parlera de sa passion, parce que c'est un vrai passionné de musique. Et j'invite Eric aussi, le disquaire d'Over and Over Records, je ramène une louche de pub, qui serait prêt à venir parler de musique. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, qu'on recevra aussi dans un second temps. Vous savez qu'on termine toujours avec un morceau un peu différent. Et là, j'ai pris une claque monumentale avec le dernier album de Megadeth. Voilà. Dave Mustaine, qui n'est pas le plus joyeux des musiciens, annonce que c'est le dernier disque. Et vraiment, ils sortent par la grande porte. Metallica peut aller faire coucou panier, quoi. Parce que c'est vraiment la classe au-dessus. L'album n'excède pas 50 minutes, ce qui est excellent pour moi, parce qu'au-dessus, on n'accroche plus. C'est ça. Et c'est du thrash metal. C'est très bien écrit. Un certain côté mélancolique et ça, voilà, c'est du grand Megadeth, quoi. Très très très bel album que je vous conseille si vous aimez le métal. Tout le monde n'accroche pas cette musique, mais ça le mérite. C'est le petit truc à la fin de Boogie. Voilà, c'est ça. Et le morceau que j'ai choisi s'appelle Let There Be Shred. Donc on écoute ça tout de suite. Véro, merci. Merci Véro, à bientôt. David, merci. Mais merci Pascal. Auditrice, auditeur, on vous aime. On vous remercie de vos écoutes nombreuses. Bis bis. Et on se retrouve dans 15 jours. Let There Be Shred par Megadeth sur le 89.5. Bye bye. Let's go. The day I was born, a guitar in my hands, the earth started. dead. Shred! Let there be shred.